بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الآباء وأيها الأخوة في الله، لا زال الحديث متواصلا مع التوحيد، فكيف لا يكون كذلك وهو أصل هذا الدين، ومن أجله خلقنا لتحقيق التوحيد. وفهم الله عز وجل c'est le cinquième cours toujours autour du monothéisme. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que nous avons été créés pour accomplir le monothéisme de notre vie. فنرى الآن الحكمة من تقرير القرآن لتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية علاش يذكروا الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، لكن الله سبحانه وتعالى يبينه في القرآن باش يقوموا كدليل على توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، وعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهو حجة ضد من لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وهو إلزام لمن يعترف بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي والمميت، بأنه لا بد له أن يعبد هذا الله، أن يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة. كيف تقرون بالربوبية ولا تعبدون الله سبحانه وتعالى؟ Donc, c'est quoi le but dans lequel le but du fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle beaucoup du monothéisme, de la souveraineté. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui nous parlent du monothéisme, de la souveraineté et des actes d'Allah azza wa jalla. Alors que les mécréants eux-mêmes, c'est inné en eux, comme quoi ils reconnaissent que celui qui donne la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, c'est Allah azza wa jalla. Et ceux qui l'ont rejeté, c'est par orgueil tout simplement qu'ils l'ont fait. Cela pour nous prouver. Pour, c'est le monothéisme de la souveraineté cité beaucoup dans le Coran, c'est une preuve pour nous montrer la grandeur d'Allah Azza wa Jal et la majesté d'Allah Azza wa Jal et la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et par-delà, c'est une preuve pour réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est une preuve pour le monothéisme de l'adoration. Ce souverain qui donne la vie, qui donne la mort, etc., c'est lui auquel nous devons réserver notre culte. C'est comme si le Coran il dit aux gens, vous confirmez à Allah Azza wa Jalla la souveraineté, alors vous êtes obligé de l'adorer. Vous devez lui réserver votre culte. كيف تصرفون العبادة لله وتشركون مع الله مع أنكم تقرون بأنه الخالق والرازق؟ فهذا من التناقض. هذا تناقض عند الإنسان. يقول عز وجل قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركاء في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين. قل رأيتم ما تدعون، أي هذا اللي أنتم تطلبون من غير الله سبحانه وتعالى وتتعبدون، لأن الدعاء هو العبادة، وتدعون وتطلبوا منهم الأشياء، وريوني أش خلقوا في هذه الأرض ولا اش خلقوا في هذه السماء، جيبوا على عندكم شي حجه وعندكم شي برهان الا كنتوا صادقين في هذا الشيء اللي تتقولوا. لان هذا بالسفاهه مما كان أن تعترف بأن الله هو الخالق، الله هو الرازق، وتعبد وتدعو غيره. والدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فقال ادعوني وسمها باش إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وسمع الدعاء عبادة. وجاء في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. فلا بد من هذه العبادة أن تكون لله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. فهذا خلق الله كله، بما فيه، بما نعرف وبما لا نعرف. فماذا خلق الذين من دون الله عز وجل؟ لا شيء. فكيف يعبدون؟ كيف تصرف لهم العبادة وهم أموات؟ منهم من يعبد القبور، هم أموات، ماذا؟ لا ينفعون ولا يضرون بشيء. دونك كوم سي dans les versets du monothéisme de la souveraineté, hein, il attire l'attention sur la nullité. Les versets qui concernent Rububiyya attirent notre attention sur la nullité de ceux qui vouent un culte à autre Allah, alors qu'ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie, Allah subhanahu wa ta'ala donne la mort, il est le souverain de tout, il est le créateur de tout, et avec ça il donne, il voue un culte à autre qu'Allah, ou là ils associent avec Allah dans leur adoration. Un verset les interpelle et leur dit: dites, est-ce que vous voyez ceux que vous invoquez en dehors d'Allah Azza wa Jal, ceux que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jal? Parce que du'a c'est l'ibada, du'a c'est l'ibada, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est dit dans l'autre verset: demandez-moi, je vous exauce. Et ceux qui s'enorgueillent de mon adoration, et il a dit demandez-moi, et il appelait c'est le fait de demander adoration. Hein? Donc du'a c'est l'adoration. Dites, est-ce que vous voyez ceux à qui vous demandez en dehors d'Allah Azza wa Jal, montrez-moi ce qu'ils ont créé, des choses de la terre ou de la des cieux, etc. Est-ce qu'ils ont une part dans cette création? Est-ce qu'ils ont créé quelque chose dans la terre ou dans les cieux? Ramenez-moi un livre, ramenez une preuve avant le Coran, ou une trace ou une preuve si vous êtes véridique. Il n'y en a pas. Tout le monde reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Tout le monde reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui a tout créé. Tout le monde reconnaît cette puissance d'Allah Azza wa Jal, cette grandeur de la création d'Allah Azza wa Jal dans le sens large du terme. Dans l'autre verset, il dit: ça c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Montrez-moi ce que ceux en dehors d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils ont créé. Donc les versets de la souveraineté, les versets qui concernent Rububiyya, c'est un rappel pour attirer notre attention que du moment que vous reconnaissez que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de tout, il est le souverain de tout, ben vous devez lui réserver le culte. Fal ayat lati fiha tawhid ar-rububiyya ma hiya illa taqrir li'ubudiyyati Allah subhanahu wa ta'ala likay nakhussa hadha Allah alladhi i'tarafna bi rububiyyati bil ibada. وفي الآية الأخرى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل رب الله سبحانه وتعالى في القرآن باش نفقوا باش تكون عبادتنا لله، باش نعترفوا الله سبحانه وتعالى بالقدرة ديالته، ملي نعترفوا بالقدرة ديال الله سبحانه وتعالى فنعبدوا الله سبحانه وتعالى بوحده. هذا مثل ضرب فاستمعوا، ينبئنا الله سبحانه وتعالى نستمع للمثل. هؤلاء اللي تطلبهم غير الله سبحانه وتعالى راه ما يقدروا يخلقوا التذبانة ولو يجتمعوا عليها. منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه يجتمعوا كلهم في صعيد واحد باش يخلقوا ذبانة في ناهية، ما يمكنش، هذا مستحيل. ذبانة فقط لا تساوي شيئا، قليلة في الخلق، ومع ذلك لا يستطيع أحدا من البشر أن يخلق ذباب. ولا تدبنا دات لهم شي حاجة ما يقدروش يقبطوها منها، ها والو. هذاك اللي تطلبه، داك اللي تيطلب ضعيف، وداك المطلوب حتى هو ضعيف، كلهم ضعفاء. دونك اي دون لوتر فيرسي اللي دي او جون voici un exemple, écoutez cet exemple. Allah subhanahu wa ta'ala donne des exemples pour attirer notre attention et pour prendre conscience de la situation. Et tous les exemples dans le Coran sont énormes. Il faut les méditer. Ici, il y a un exemple qui est énorme pour ceux qui adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui vont à côté des tombes, etc. Ceux que vous demandez, à qui vous demandez en dehors d'Allah, ils ne peuvent pas créer une mouche. La mouche, c'est une vile créature. C'est petit comme créature. Et pourtant, c'est les génies et les humains, depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps, s'ils se réunissent tous pour créer une mouche, ils ne pourront pas. Tu montres l'incapacité dans laquelle se trouve l'être humain. Et qu'il est limité, qu'il ne peut rien faire. Que toute la puissance revient à Allah. Et donc, si toute la puissance revient à Allah, ben, il est obligatoire pour lui d'adorer Allah. Et il est dit dans le verset, s'ils se réunissent tous pour créer une mouche, ils ne pourront pas faire. Et si la mouche leur prend quelque chose, ben, ils ne peuvent pas la récupérer. Ils ne peuvent pas la récupérer. Donc ça veut dire que celui à qui on demande et celui qui demande sont tous les deux faibles. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont dans une faiblesse totale. فلو صلت الله سبحانه وتعالى الدبان ها ما استطاع الانسان ان ينتصر لنفسه الدبان اضعف شيء فلو صلت الله على الناس الدبان والبعوض ما يقدروش يتخلصوا منه يقتلوا شي حاجه منه ثم يغرقهم ها سي مانتنو الله سبحانه وتعالى اون فوا لي موش sur les gens, ben ils peuvent rien. Peuvent tuer quelques-uns. Ils envoient les mouches, les puces et les moucherons et tout ça. Ben ils peuvent en tuer quelques-uns. Mais ils vont être envoyés. Ils peuvent rien. Ça prouve l'incapacité des gens devant une petite créature d'Allah. اي الناس في هذيك الوقت كانوا تيجيو للصنم وتيزينوه باش بالريحه وبالطيب فتيجيو تياخذ منه شيء فهذوك الناس ما تيقدروش داكشي اللي دا الدبان من هذاك الشيء ما تيقدروش عليه هذا بعض احد التفاسير في الايه ان هذاك الدبان تيجي لهذاك الشيء المزيان اللي داروا الناس على هذاك الصنم اللي تيعبدوا تيديها تيدي منها قول لهم يقبطوها من عنده داك الشيء اللي دا في رجليه وداك الشيء اللي دا ها بهذيك الرادار ديالو ما عندهم ما يديروا ليه اي دون لون دي زيكسبليكاسيون ديال لو فيرسي اي دي كو لا موش سو بريزونت اي فيان سور لا ستاتو كي اي ادوري بار لي جون نورمالمون سي ستاتو اي سون تومبيلي اون لي بارفوم افيك لي ميور دي بارفان لا موش اي فيان اي برون ان بو دو سو بارفان Mais ceux qui adorent ces statues, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas récupérer ce que la mouche a pris. Ce qu'il a pris avec ses pattes, ce qu'il a pris avec son radar avec lequel il se pointe dessus, etc. Ils ne peuvent rien récupérer. Donc ça veut dire que l'homme est incapable. La mouche, il vient, il ne peut rien faire. Il prend des choses, des fois il rajoute, gars, les microbes, il ramène. Alors, tu as dit que, hein, ta mère, hein, tu as dit que les microbes, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu ramène. Des microbes, tu peux rien. ضعف الطالب هو المطلوب. ضعف الطالب هو المشرك والمطلوب هو الصنم وقيل فيه الدباب كذلك. ان هذا اللي طلب ضعيف الانسان هذا المشرك اللي تيطلب لهذا المقبور هذا ولا لهذا الصنم فضعيف والمطلوب وهذاك اللي تيطلبوا منه حتى هو ضعيف وقيل كذلك حتى الذباب ضعيف. كلهم ضعاف امام قدرة الله سبحانه وتعالى. Donc, dans le verset, celui qui demande, il est faible, et celui à qui on demande, il est faible. Celui qui demande, c'est-à-dire l'associateur, celui qui adore la tombe, là, qui adore la statue, il est faible. Et celui à qui il demande, qui est l'enterré ou là, qui est la statue, ben, il est faible aussi, ils ne peuvent rien. Et on dit aussi que même la mouche, il est faible. C'est normal. Devant la puissance de l'Azawajal, tout le monde est faible. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ تُجْعَلُ هَذِهِ الْقُبُورِ وَهَذِهِ الْأَصْنَامِ شريكة لله سبحانه وتعالى وتدعى مع الله ومن دون الله عز وجل هذا الخالق المحيي المميت العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض ها كيف تعبد أشياء أخرى من دون الله عز وجل أين العقول وأين الأفهام؟ ورحم الله من قال هل من عقول تباع فأشتريها لهؤلاء. ولكن ما تتباع، ما دي القوام تتباع في السوق. هذاك الشيء باش كرمك الله سبحانه وتعالى وطريق لين هذاك الله سبحانه وتعالى ذاك الشيء اللي كاين. دونك سي لا سيتياسيون اي كوم سا با بوكو فوي لو كولت ا كلكان دوتر ا الله عز وجل كو سي اسوسياتور دون اي فو دي زاكت كي نو سون دو ك الله عز وجل اللي فو ا اوتر ك الله عز وجل و ils associent Allah عز وجل dans leurs actes d'adoration. Alors qu'ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le puissant, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Il n'y a rien n'échappe à la connaissance d'Allah عز وجل et au savoir d'Allah عز وجل. Pourquoi ils voulaient culter quelqu'un d'autre ou les associer dans leurs actes d'adoration quelqu'un d'autre à Allah عز وجل? Où sont les raisons? Où est la compréhension? Comme on a dit auparavant, hein, comme il a dit certains, rahmatullahi alayhim, est-ce qu'il y a un marché où les raisons se vendent pour les acheter à ceux-là? Mais malheureusement, il n'y a pas de marché où on achète les raisons. Donc, c'est soit la raison, c'est ce que Allah, il t'a comblé Allah subhanahu wa ta'ala avec. Il t'a guidé, il a ouvert ton cœur. Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans le chemin du monothéisme, d'adorer Allah azza wa jalla, de réserver le culte à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre son messager alayhi salam. Tu dois le remercier. Parce que même ça, c'est un bienfait min Allah azza wa jalla. Nous nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous remercions. للتوحيد وان هدانا للسنه لان كذا كذلك توفيق من الله عز وجل وجب علينا ان نشكره حتى نبقى عليه ونموت عليه ويختم لنا عليه il faut qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette situation pour qu'on et on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir sur cette situation et que notre fin ne change pas فهذا فكذلك في كثير من الايات نحن راينا الفاتحه توحيد رأينا أن أول أمر في القرآن هو في التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم كذلك تمر على آيات الكرسي كلها في تحقيق التوحيد وكلها تتكلم عن التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مجموع كلهم في آية واحدة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أي آية معك من كتاب الله هي أعظم؟ قال أي أبي قلت يا رسول الله قلت الله ورسوله أعلم فعاد الرسول السؤال فقال له يا أبي أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال عليه رضي الله تعالى وارضاه قلت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر أبي فقال له ليهنك العلم يا أبا المنذر أي هنيئا لك بهذا العلم يا أبا المنذر يهنئ تهني الرسول صلى الله عليه وسلم نوسوله قال لي أشنا هي أعظم آية في القرآن فالنبى الأولى قال لي الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو بوحدهم اللي تعرفوا فعود سؤول النبى الثانية هنا اللي خاصك تجاوب أنه كان يعلم ما كان يريد أن يقول أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما وكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعود عليه السؤال فقال لي آية الكرسي فقال لي هنيئا لك بهذا العلم اللي عندك هنيئا لك بهذا العلم اللي عندك كي منتنو دون وني باسي افك بلان دو فيرسي الفاتحة ونوتي دون المونوتيسم باسي دون البرومي فيرسي دون لكل يا لورد لو 20 فيرسي وكومونس لورد دون سورة البقرة le monothéisme hein? aux gens réservés le culte excusez-moi Allah Azza wa Jal et dans maintes versets dans surat al-Baqarah jusqu'à arriver à Ayat al-Kursi le verset du piédestal et tout ce verset il ne concerne que le monothéisme de l'adoration le monothéisme des noms et des attributs et le monothéisme de la souveraineté tous ils sont dedans, les trois alors que c'est un seul verset Et il est rapporté dans l'authentique que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à Ubay ibn Ka'b, il lui a dit c'est quoi le plus grand verset, le géant des versets que tu as, que tu connais du livre d'Allah azza wa jal. Et à la première fois où le prophète lui a posé la question, il lui a dit il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répété la question et là il a dit il faut que je réponde. Rasoul, s'il a répété la question, c'est qu'il faut que je réponde. Et il a répondu, il lui a dit, « Ah, Rasoulallah, le verset du piédestal, آية الكرسي. الرسول صلى الله عليه وسلم أطبي سيغ سو بوانترين، يلا دي إلا فيليسيتي بور لا سيونس كيلا. إلا فيليسيتي بور سيت سيونس كيلا. فهذا دليل على عظام هذه الآية، ويدلنا على المفاضلة التي كان بين الصور في كتاب الله عز وجل، لا من اعتبار المتكلم بالقرآن، ولكن باعتبار الصور وبما فيها. فأعظم ما في القرآن هو التوحيد، فأعظم ما في القرآن هو التوحيد، وكل شيء في القرآن هو فرع عن التوحيد، الأوامر والنواهي وما تكلم به الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة، وما عد للمؤمنين من الخيرات، وما نصر به المؤمنين في الدنيا، وما عد للكفار في الآخرة، وما عاقبهم فيه في الدنيا، كل هذا فرع عن التوحيد، كله فرع عن التوحيد. فأعظم شيء في كتاب الله التوحيد. هذا يدلك على أعظم شيء في القرآن، أعظم الصور في القرآن، أعظم الآيات هي التي تتناول التوحيد. دونك سولا سيت ريبونس دابو المنذر أبي بن كعب تو بروف لامبورتونس دو مونوثيزم، تو بروف aussi qu'il y a des versets qui sont qui ont des vertus de plus par rapport à d'autres versets et des sourates qui ont des vertus de plus par rapport à d'autres sourates. Ceci non pas par en prenant en considération le sujet qu'ils traitent, mais sinon tous ils sont la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais en prenant en considération le sujet traité dans le verset et dans les sourates. Il est évident que la chose la plus importante qui est traitée dans le Coran, c'est le monothéisme. C'est le monothéisme. Et c'est la chose pour laquelle nous sommes créés. Et tout le Coran est dans le monothéisme. C'est-à-dire que toutes les choses sont d'un détail du monothéisme. Ils sont des choses avec lesquelles on va accomplir le monothéisme. Les ordres qu'il y a dans le Coran, c'est pour accomplir notre monothéisme. Le fait de s'interdire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit, c'est pour parfaire notre monothéisme. Le fait de suivre Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour parfaire notre monothéisme. Ce que nous a conté Allah subhanahu wa ta'ala des châtiments qu'il a fait des mécréants dans ce bas monde, c'est parce qu'ils ont donné le dos au monothéisme. Et ce qu'il nous a dit, ce qu'il leur réserve comme châtiment dans le delà, c'est parce qu'ils ont donné le dos au monothéisme. Et ce que nous a conté Allah subhanahu wa ta'ala dans les récompenses et dans les bienfaits dans lesquels il a fait baigner les croyants dans ce bas monde, c'est parce qu'ils ont parfait le monothéisme. Et ce qu'il nous conte Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ce qu'il leur réserve dans le delà, c'est parce qu'ils ont parfait le monothéisme, ils ont accompli le monothéisme. Donc tout le Coran est dans le monothéisme. D'où l'importance de surat de ayat al-kursi. القرآن كله في التوحيد. هذا يدلك على فقه أبي بن كعب وفقه الصحابة رضوان الله. فأول ما تتجه أفكارهم وعقولهم إليه أعظم شيء في القرآن ما يخص التوحيد، ما يخص جناب الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي خلقت له من أجله البشرية، الأمر الذي خلقت منه من أجله الدنيا وما فيها، والأمر الذي ستوضع الموازن من أجله، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك aussi, ce qu'il faut retirer, doit retenir notre attention, la clairvoyance et la compréhension et l'esprit saint avec lequel sont doués les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Regarde cette position de Ubay, quand Rasoul a insisté, il n'est pas allé dans les versets où il y a l'ordre et les interdits. Là, il est allé directement à un verset qui concerne le monothéisme. Parce que c'est pour le monothéisme qu'on a été créé. C'est pour le monothéisme que tout ce que tu vois a été créé. C'est pour le monothéisme qu'on va être jugé, pour lequel vont être dressées les balances pour juger les gens le jour de la résurrection. Pour le monothéisme, il y a le paradis, il y a l'enfer. Regarde cette clairvoyance. Directement, à quoi il a pensé, à la chose la plus importante, le monothéisme. Ubay ibn Ka'b, ma dhahaba ila ayat al-hikam. وهذا يدلنا إن دل على شيء على عظم التوحيد وأنه يجب علينا الاهتمام بالتوحيد ويدلنا على أن صحابة رسول الله كانوا يهتمون اهتماما فائقا وبالغا بالتوحيد حتى أخلصت قلوبهم للتوحيد وأشربت قلوبهم التوحيد وعاشوا للتوحيد وماتوا للتوحيد رضي الله عنهم أجمعين. Cela te prouve quelque chose, c'est que le monothéisme, c'est la chose la plus importante. et qu'il est obligatoire pour nous de s'occuper du monothéisme. Et cela te prouve aussi comme quoi les compagnons donnaient une grande importance au monothéisme. Leur cœur, ils étaient imbibés du monothéisme. Ils ont vécu pour le monothéisme, ils ont mouru pour ce monothéisme. Et ils l'ont accompli dans leur vie, et ils l'ont transmis aux autres. فأعظم موضوع في القرآن هو التوحيد وهذه الآية التي اختارها أبي رضي الله عنه أخلصت لتقرير التوحيد وذكر دلالاته وبراهينه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما اجتمع في آيات الكرسي من براهين التوحيد وتقريره وذكر دلائله لم يجتمع في آيات أخرى تدل لنا هذا ليش؟ عظم التوحيد أن القرآن كله تدور على التوحيد وهذه الآية اللي اختار أبي اللي هي آية الكرسي كلها خالصة للتوحيد بالأقسام الثلاثة ديوله وكلها دلائل على التوحيد وبراهن على التوحيد وحجج على التوحيد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن داك الشيء اللي تجمع في آية الكرسي من براهن ومن دلائل للتوحيد ما تجمع في شيء آية أخرى. Donc cela te prouve que le monothéisme, c'est le sujet le plus important dans le Coran et dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Et que ce verset qu'a choisi Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu warda, il a choisi un verset qui est réservé exclusivement au monothéisme, qui confirme le monothéisme et qui ramène des preuves énormes pour prouver le monothéisme d'Allah Azza wa Jal dans ces trois formes. Comme il a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, Ayat al-Kursi, les preuves qu'il y a dans Ayat al-Kursi, dans la confirmation du monothéisme, les preuves qu'on contient ne le contiennent pas d'autres versets. C'est-à-dire que beaucoup de preuves sont dans Ayat al-Kursi pour confirmer, sont réunies dans Ayat al-Kursi comme ils ne sont pas réunis dans d'autres versets. Wa indama nata'ammal ahwar sahabat rasulillah, ridwanullah alayhim, nara makanat al-tawhid fi hayatihim. تذكروا ذلك الصحابي عندما أرسله الرسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على جماعة وكان يصلي بالفاتحة ويأتي بصورة وبعدها يأتي بقول هو الله أحد فعندما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اسألوه لماذا يفعل ذلك فلما سألوا قال إني أحبها لأنها فيها صفة الرحمن لماذا يحبها؟ لأنها خاصة بالله لأنها تصف الله عز وجل لأنها في توحيد الأسماء والصفات فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى من رسول الله أحبك الله الذي أحببت له هذه الصورة لماذا أحبها لله عز وجل لأن فيها صفة الرحمن فانظر هذا الأمر العظيم من صحابة رسول الله donc aussi cela te prouve il faut qu'on médite la situation du compagnon de Mohammed alayhi salam et leur vie. Et la place qu'ils ont donnée au monothéisme. Comment ils ont compris le monothéisme. Comment ils l'ont mis en application. Rappelez-vous ce noble compagnon de Mohammed alayhi salam. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam envoyé comme émir d'un groupe, chaque fois qu'il fait la prière, il l'est avec le Fatiha, après il ramène une sourate, et après il ramène directement qul huwallahu ahad, toujours dans ses prières. Et ils sont allés voir le prophète alayhi salam, il a dit, ton émir, il fait ça. Posez-lui la question, pourquoi il le fait. Quand ils lui ont posé la question, il a dit, je l'aime parce que dedans, il y a les qualités d'Allah, les attributs d'Allah, azza wa jal. Pourquoi il le fait? Pour le monothéisme des noms et des attributs. Pour les descriptions d'Allah, azza wa jal, qu'il y a dans cette sourate. Hein? Il annonce, l'annonce lui vient, min al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Allah subhanahu wa ta'ala, cela... t'a prévalu l'amour d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi il aimait cette sourate? Il la lisait beaucoup. Pour le monothéisme, pour la description qu'il y a d'Allah Azza wa Jal dans cette sourate. C'est pour ça qu'il l'aimait, radiyallahu ta'ala anhu warda. C'est comme ça que nos compagnons s'occupaient du monothéisme. Hakada kana ashab rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahtamuna bit tawhid. Ma la yaquluna ka amtalina al-an. Wa limada da'iman tawhid? Limada da'iman tawhid? Akhal islam haqiq tawhid fi hayatik. ترى في بعض الأوغن والله ترى ما ينداو الإمن رجل طبيب ياك طبيب فترى هذه العلامة ديال الأطباء فوقها ومكتوب فيها ميدسان وترى صفحة حمار معلقة. أين دراستك؟ أين طبك؟ ماذا تريد من هذه الصفحة؟ أو خميسة ولا ديك العين اللي فيها ذاك العوينة الخضراء وانت غادي فين هذا العلم ديالك؟ ملي انت معلق الحفظ ديالك بصفحة الحمار ها؟ ولا معلقوا بأنه هذيك بتحفظك من العين ولا هذيك الخميسة بتحفظك من العين أين؟ هذا يدل لك على أن الناس على سقطنا إلى سفاهة عقلية. الله المستعان الله المستعان. حتى هؤلاء الذين يمثلون كذا المسلمين وكذا وكذا والسياسة ترى ينظر إلى هذا الذي يسمونه الحظ اليومي. أنا ولدت يوم كذا واش هاد النهار ديالي فاش كاين الانتخابات غادي ننجح ولا ما غادي ننجح إلى ما صرنا. غادي مانتنون كومباري نوتخ سيتياسيون افيك لا سيتياسيون دي كومبان محمد عليه الصلاة والسلام. سيغتان باغمي نو زيت بوكوا تول تون بارلي دي مونوثيزم يا أخي الإسلام سي أون بارفي با المونوثيزم دون نوتخ في أون بارفيرا ريان أون أريفرا ريان دو تو. وغادي سي نوبل كومبانيون لو مونوثيزم إل لو فيفي نويت إي جور إل لو ميتي أون أبليكاسيون إل سو لو رابلي ميتويلمون. Certains parmi nous, même les intellectuels maintenant, tu passes, tu t'arrêtes à un feu rouge et tu regardes à droite, l'emblème, l'homme qui est dedans, c'est l'apparence d'un musulman, alhamdoulilah. L'emblème de la voiture, le signe du médecin. Médecin est marqué en bas. Tu es choqué quand tu regardes vers le rétroviseur, le fer à cheval, ou là, le fer d'Annan, ou là, la main de Fatma, ou là, cet œil-là, dans lequel il y a un truc bleu, tout ça pour la protection contre le mauvais œil. Où est ta science dans ces cas-là? Où est ta rationalité? Où est ta cartésienne? Puisque tu crois que c'est ça qui protège ta voiture, ou là, qui te protège du mauvais œil, etc. On va dire, où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé avec ça, avec quoi? Parce qu'il y a des gens qui détournent les gens du fait d'étudier les noms et les attributs de Allah. Donc, parmi les représentants de la communauté maintenant en France, dans plein de congrès, ils disent c'est secondaire de s'occuper des noms et des attributs de Allah. C'est avec ça qu'est-ce qu'on fait? On jette la communauté à regarder l'associationnisme et mettre l'associationnisme en application et ça ne fait rien au cœur. Voilà vers quoi on les envoie. Parmi les politiciens musulmans, certains, ils regardent les horoscopes, et ils regardent, ils vont voir, ils voient, est-ce que ce jour où les élections vont avoir lieu, est-ce que c'est un jour propice pour moi ou pas? À ce point-là, on est arrivé. On veut sortir de l'impasse. Hadi la had la had wasalna. Hadi safa. À ce point-là, on est à ce point-là. Il ne faut pas rigoler avec ça, le monothéisme. Le monothéisme, il faut l'accomplir dans ta vie, akhal islam. Le monothéisme demande de nous un acharnement, une étude détaillée du monothéisme et une application, et demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse vivre dans le monothéisme et qu'il nous fasse mourir sur le monothéisme. At-tawhid yatatlab minna 'inaya fa'iqa. Ta'allum hadha at-tawhid wal 'amal bih wa talab Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana 'ala iqamatihi wal maut 'alayhi. Hadha yatatlabu minna. Fat-tawhid yajibu hadhihi al-aya. هي هذه سورة الفاتحة سورة هذه الآية آية الكرسي. كم أتى في السنة من الأمر بقراءتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقرأها في كل بعد كل صلاة مكتوبة، هذه 5 مرات، وتقرأها عند منامك، وتقرأها في أذكار الصباح وأذكار السمع. كم مرة هذه معنا؟ 8 مرات. لماذا هذا التكرار؟ لماذا؟ لكي تتدبرها وتفهمها وتعلم التوحيد الذي قام في هذه الآية وهو في هذه الآية وتعمل به في حياتك. لهذا لأنها آية مهمة، ليس فقط لتقرأ الله لا إله إلا هو الحي، لا، أن تفهم ما هو لا إله إلا الله، ما هو القيوم، ما هو الحي، ما هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، من هو الذي يحيط بالعلم، من علمه فاق كل شيء وفوق كل شيء، من هو العلي فوق كل شيء، لكي تفهم هذا كله حتى إذا دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر تذكرت بأن الله أكبر من كل شيء. وإلا فالناس تسرد آية الكرسي ولكن هل نفهمها؟ هل عملنا بقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ واش ما تيفهموش القرآن ولا قلوبهم مسدودين بالقفولة؟ ها دونك فرينا الله عز وجل regardez méditez combien dans la sunna est arrivé le fait de la mettre en application, de la lire. Il est dans la sunna qu'il faut la lire derrière chaque prière obligatoire, 5 fois. Plus, dans la sunna, il est dit qu'il faut la ramener dans les invocations du matin et dans les invocations du soir, ça fait 7 fois. Et quand tu vas dormir, ça fait 8 fois. Pourquoi cette répétition? Tu crois que c'est une répétition qui est venue pour la répétition? Non, akhal islam. Pour que tu comprennes ton monothéisme. Et que tu comprennes ce que ça veut dire ni digne d'être adoré qu'Allah. Et que tu comprennes celui qui a la vie, au sens large du terme, qui il est, ses attributs, sa puissance, sa majesté, Al-Qayyum, qui se suffit à lui-même, et que tout le monde a besoin de lui, lui il a besoin de personne. Et cela, ces deux attributs, Al-Hayy et Al-Qayyum, ça implique, ça découle de ces versets, beaucoup d'attributs. S'il est Hayy, il est vivant éternel, une vie complète, ça veut dire qu'il sait tout, qu'il entend, qu'il en voit, qu'il a tous les attributs dans le sens large du terme. Et dans les meilleures significations. Et dans leur meilleur sens. Hein? Combien de nous lisent l'ayat al-Kursi, ils ne la comprennent pas. Ils passent comme ça. L'ayat al-Kursi, s'il y a eu cette répétition dans la sunna, de la lire, c'est pour comprendre notre monothéisme. Il est de notre devoir de comprendre le Coran et de comprendre aussi ces versets, surtout ces versets qui ont rapport avec le monothéisme. Il est dit dans le verset, « Est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran, ils ne le comprennent pas, ou alors leurs cœurs sont cadenassés. Hein? » Leurs cœurs sont cadenassés. Si on ne comprend pas le Coran, ça veut dire que nos cœurs sont fermés. Ils sont cadenassés. Hein? Allah, salamata wa al-afiyah. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية منذ أن علمت هذا الحديث أي أنها تقرأ وراء كل صلاة مكتوبة ما تركتها أبدا رحمك الله يا شيخ الإسلام كانوا يتعلمون لي العمل ليس مثل نحن أننا عرف قال يبشي يبقى ينطح في عباد الله ويماري عباد الله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله الذي كون جي كوني سو حديث لفت دولا ليغ دغير شاك بخيار أوبليغاتوار J'ai pas arrêté de la mettre en application. Il l'a mis en application tout de suite. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala couvre sa sainte miséricorde, ses imams de la communauté, parce qu'ils apprenaient pour la mise en application. Combien nous, maintenant, on apprend des données, etc. Hein? Allez contrer celui-là. Allez débattre avec celui-là. Point final, c'est tout. Le but de la science, c'est de la mettre en application. Regardez cet acte de Ibn Taymiyyah, rahmatullah. Il a appris, dès qu'il a appris ce hadith, il l'a mis en application. رضي الله عنه وارضاه وهذا الذي ينبغي لنا جميعا أن نجاهد أنفسنا في فهم هذه الآية وفي تطبيقها وفي العمل بمقتضاها وفي فهمها وتدبر معانيها ودلالتها حتى لكي نحقق التوحيد ولكي نخلص عباداتنا لله سبحانه وتعالى ولكي نعترف بفقرنا وضعفنا أمام الله سبحانه وتعالى. Et c'est ça, c'est ça notre devoir. Notre devoir, c'est de comprendre ce genre de verset pour reconnaître notre faiblesse, pour parachever notre monothéisme, parfaire notre monothéisme, et pour comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et pour adorer Allah Azza wa Jal avec ses noms et ses attributs comme il se doit. Et accomplir le monothéisme dans notre vie, comme l'ont fait nos plusieurs d'Allah alayhim. Et pour que notre religion soit accomplie sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et comme le veut Allah Azza wa Jal. Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه أعظم آية في كتاب الله تشتمل على ربوبية الله وعلى عبودية الله وعلى أسماء الله وصفاته. جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عن الله وإثبات الكمال المحض الكامل لله سبحانه وتعالى. هذه أعظم آية في كتاب الله، فيها التوحيد كله، وجمع فيها الله سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات. شنو هو النفي؟ ملي تنفي شي حاجة. وشنو هو الإثبات؟ ملي تثبت شي حاجة. مثلا كلمة التوحيد نفي وإثبات، من الأركان ديال كلمة التوحيد النفي والإثبات. تقول لا إله أي لا معبود إلا الله، وتثبت العبادة لله أي لا يعبد إلا الله. فهذا النفي وهذا الإثبات. وهنا أشنو هو المنفي في آية الكرسي؟ وأشنو هو المثبت في آية الكرسي؟ المنفي في آية الكرسي هو النقص عن الله عز وجل والعجز عن الله عز وجل، والمثبت لله سبحانه وتعالى في آية الكرسي هو العظمة والكمال. Donc ce petit verset